بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue avec la lecture des fatwas dans le livre du Cheikh Al-Fawzan, Al-Ijabat Al-Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma, et on est arrivé donc à la partie 17. Et il y a une question qui a été posée au Cheikh, As-Su'al, من عاون المشركين على المسلمين بالسلاح أو غيره مكرها أو خائفا على عرضه فهل يعتبر ارتكب أو هل يعتبر أو يعتبر ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام؟ الجواب: هذا كما ذكرنا إذا كان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا إذا كان مكرها من المستضعفين لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا أن الله قد عذره إذا كان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي السبيل وبقي مع الكفار اضطرارا فهذا قد عذره الله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا بشرط أن يكون مبغضا للكفار ومبغضا لدينهم. Donc la question a été posée au Cheikh, celui qui a aidé les mouchriquins contre les musulmans avec une arme, alors qu'il était avec une arme ou autre qu'une arme, alors qu'il était contraint, il était sous la contrainte, ou il était il avait peur pour son honneur. Alors, est-ce que on considère que celui-là, il a commis un acte qui vient annuler son islam, parmi les choses qui sont des choses qui sont des annulations de l'islam? Et le cheikh, il a répondu. Le cheikh Al-Fawzan, il répond, il dit, comme on a mentionné, si la personne, elle a été contrainte, on l'a forcé, alors il fait partie des, et on l'a forcé, parmi les gens qui sont faibles, il fait partie des gens qui sont faibles, qui ne trouvent aucun moyen et qui ne connaissent pas le chemin, ne connaissent pas la façon, le chemin. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a excusé cette catégorie-là, puisqu'ils ne connaissent pas de moyen et ils ne savent pas s'orienter, ils ne connaissent pas le chemin, ils ne savent pas comment quitter les pays des koufars ou ainsi de suite. Donc, ceux-là, ils étaient avec les koufars. Et ils étaient forcés dans ce cas-là. Donc, ils sont excusés. Allah les a excusés. Il mentionne le verset 99 dans Surat An-Nisa. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Et ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner, va les excuser. Et Allah est certes indulgent et pardonneur. Mais à condition que cet individu-là, il déteste les koufars dans son cœur et qu'il les déteste pour leur religion, ou qu'il déteste leur religion, qu'il déteste les koufars et qu'il déteste leur religion. Ensuite, il y a une autre question qui a été posée au Cheikh, As-Su'al, هل إبرام الاتفاقيات في إنشاء المشاريع العسكرية في بلاد المسلمين يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم؟ الجواب: هذا ليس من المظاهرة لأنه لمصلحة المسلمين. نحن بحاجة إلى أن نتعلم الأمور الحربية وأساليب الحرب وهم يتقنونها أكثر منا، فلا مانع أن نستفيد من خبراتهم، وليس هذا من الموالاة، هذا من تبادل المصالح التي يحتاجها المسلمون. Donc ils ont posé la question, est-ce que de faire des accords avec les koufars, le fait de, il dit, est-ce que de faire des accords pour partir des projets militaires dans les pays musulmans, est-ce que ça c'est considéré comme faire le fait d'aider les mouchriquins et de leur venir en aide? Donc le cheikh, il dit non, ce genre de choses, ce genre d'entente et ce genre de pacte, ça fait pas partie du fait d'aider les koufars, les mouchriquins, et au contraire, ça c'est dans le bien, pour le bien des musulmans, parce que nous avons besoin d'apprendre les questions militaires et les les techniques de guerre de leur part, parce qu'ils les connaissent mieux que nous et ils les maîtrisent mieux que nous. Et donc, il n'y a pas de mal de profiter de leurs expériences dans ce domaine. Et ça ne fait pas partie du fait de les prendre pour alliés, ça fait plutôt partie du fait d'échanger des intérêts et des bienfaits que les musulmans ont besoin, des choses que les musulmans ont besoin. Et ça me rappelle, en fait, ça me fait penser, cette fatwa, ça me fait penser à qu'est-ce qui se passe des fois de la part de certains musulmans qui appellent au boycott de certains produits des pays américains ou des pays européens ou des koufars en général. Et ça, ça me fait penser à ça. Pourquoi? Parce que, comme une fois, j'écoutais, lorsque le cheikh Salim al-Tawil, hafizahullah, il était venu aux États-Unis. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Cheikh Salim al-Tawil est venu aux États-Unis et il y avait des questions qui lui ont été posées au sujet du fait de boycotter les produits des Américains ou des choses de ce genre. Et il y a des gens qui posaient la question, pourquoi les pays, en tout cas musulmans, ils boycottent pas les produits américains ou ainsi de suite. Et subhanallah, le cheikh, il répondait, il disait, c'est parce que de toute façon, c'est pas logique que les musulmans aujourd'hui vont boycotter les pays des koufars, puisque ce sont les musulmans qui ont besoin de leurs produits plus que eux. Dans le sens que, habituellement, quand il y a un boycott, c'est le pays qui est fort qui va boycotter le pays qui est faible. Ou le pays qui est riche qui va boycotter le pays qui est pauvre, pour que ce pays-là souffre de ça et puis qu'il change de position, qu'il change d'idée. Mais dans notre situation, ce sont nous qui sommes dans la faiblesse et ce sont nous qui sommes dans le besoin. Nous avons besoin de leur richesse, nous avons besoin de leurs produits. Donc si on les boycotte, c'est comme si on se faisait du tort à nous-mêmes. Et c'est pas au koufar qu'on va faire du tort, c'est à nous-mêmes qu'on va en faire, parce que on a besoin de ces produits-là. D'accord? Donc c'est pas dans la logique du boycott, dans la logique de boycotter des produits que toi-même tu en as besoin. C'est le contraire qu'il faut faire. Et c'est pour ça que quand les koufars font un embargo sur un pays, ils s'arrangent pour que ce pays-là, ils ne puissent pas recevoir ou trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc là, si en fait tu es en train de dire on va boycotter les produits des koufars, c'est comme si en fait tu es en train de dire on va se faire nous-mêmes un embargo contre nous-mêmes. Et ça, c'est ridicule. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas à ce genre de choses. Et le cheikh, il dit, ensuite, il y a d'autres questions qui ont été posées au cheikh sur d'autres sujets. Et là, le sujet qu'on arrive dans un autre chapitre où on pose des questions au sujet du djihad. Al djihad fi mu'taqadi ahli sunnah wal jama'a, c'est-à-dire le djihad dans la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et c'est un chapitre très important qui va répondre à plusieurs des shubuhat des gens de takfir. Donc on va lire quelques fatwas, puis on va commencer après, inshallah, notre dars habituel. Donc les questions sont les suivantes. Parmi les questions, il y en a beaucoup, mais on va commencer par les premières. As-su'al ayyuhuma a'zam jihadul ilm am jihadus sayf. Ils ont posé la question au Cheikh Al-Fawzan, lequel des deux est plus grand? Le djihad par la science, ou le djihad, c'est-à-dire le djihad par la connaissance de l'islam, ou le djihad par l'épée? Le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu, djihad al-ilm awwalan, fala budda an yata'allama al-insan ma yastaqimu bihi dinah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. والله يعلم متقلبكم ومثواكم بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل العلم أولا قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا ثم الجهاد بالسيف حتى يكون جهاده على علم وعلى بصيرة ولا يكون على جهل على خطأ Donc, le cheikh, il répond à la question, est-ce que c'est le djihad par la connaissance de l'islam qui est le meilleur ou le djihad par l'épée? Le cheikh, il dit, le djihad de la science et de la connaissance, c'est le premier. Donc, il faut que l'individu apprenne qu'est-ce qu'il a de besoin pour que sa religion soit droite et correcte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc ça, c'est le verbe impératif de l'ordre d'apprendre et de connaître. Donc Allah, il dit, sache, hein, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puis demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Donc on voit dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par la science avant la parole et avant l'action. Il mentionne le fait de connaître avant l'ordre de parler ou d'agir. Et donc ça, c'est la preuve que la science passe avant. Puis il mentionne également le verset 52 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lutte contre eux avec celui-ci d'une grande lutte. C'est-à-dire, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. La lutte dont on parle ici, lutte contre eux avec celui-ci, c'est-à-dire avec le Coran. Donc tu fais le djihad contre les kuffars et les mushrikins avec le Coran, donc avec la science, avec la connaissance du tawhid, l'unicité d'Allah et la sunna. Donc tu vas les appeler au tawhid et tu vas lutter contre leur shirk. Donc ça, c'est le djihad par la science. Puis ensuite vient le djihad par l'épée, hein? Mais pour faire le djihad par l'épée, pour que ce djihad là soit fait avec science et avec compréhension et non pas avec ignorance et avec erreur. Donc même lorsque tu veux faire le djihad avec l'épée et avec les armes, il faut que ce djihad là soit basé sur la connaissance, la science, et non pas sur l'ignorance et l'erreur, comme beaucoup d'ignorants aujourd'hui qui prétendent faire le djihad et qui ne font que du mal et du tort à eux-mêmes et aux autres. السؤال أيهما أعظم عند الله قدرا الذين يجاهدون المنافقين أم الذين يجاهدون الكفار. On a posé la question au cheikh, lequel de ceux-là sont les plus grands auprès d'Allah en valeur, le djihad contre les hypocrites ou le djihad contre les kuffars? Lequel des deux est le plus grand en valeur auprès d'Allah? Est-ce que c'est le djihad contre les hypocrites ou le djihad contre les kuffars? Le cheikh, il répond, Al-jawab, al-jami'u kulluhum lahum ajrun indallahi subhanahu wa ta'ala. Alladhina yujahiduna al-munafiqina walladhina yujahiduna al-kuffar. Al-munafiquna yujahaduna bil-lisan wal-qalam wa kashfi shubuhatihim. Wahadha babun azimun li'annahu difa'un anil islam ودفاع عن الدين وهؤلاء يبدأون قبل الكفار حتى يسلم المسلمون من شرهم وكذلك جهاد الكفار ولكن جهاد الكفار والله أعلم أعظم لأن جهاد الكفار يحصل فيه مصالح عظيمة والمجاهد يتعرض لخطر ويتعرض لجراح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقتل خلاف الذي يجاهد المنافقين هذا لا يتعرض لخطر ولا يتعرض لجراح مثل المجاهد في قتال الكفار ولكن من يجاهد المنافقين فهو على أجر عظيم لا شك. الشيخ, Il répond à la question, lequel des deux est plus grand en valeur auprès d'Allah, celui qui combat les munafiqins ou qui lutte contre les munafiqins ou celui qui lutte contre les kuffars? Cheikh, il dit, les deux, il n'y a pas de doute qu'ils ont une grande récompense auprès d'Allah. Mais ceux qui luttent contre les munafiqins, hein, les deux, ceux qui luttent contre les munafiqins et ceux qui luttent contre les kuffars, les deux ont une grande récompense. Il dit, en ce qui concerne les munafiquins, on lutte contre eux par la langue et par la plume. C'est-à-dire, avec la langue et avec la plume, on réfute et on découvre leurs ruses et leurs mensonges et leurs fausses arguments, on les démasque de cette manière, avec les preuves de la connaissance de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est une grande catégorie, une grande partie du djihad, parce que ça fait partie de défendre la religion. Et de défendre la religion contre les munafiqines, contre les hypocrites, ceux qui se montrent musulmans mais qui ne croient pas en l'islam intérieurement, ça c'est en réalité plus grand en fait. Le cheikh il dit, on doit commencer par ceux-là. On doit commencer par ceux-là avant de combattre les kuffars, pour que les musulmans puissent être épargnés de leur mal. Puis ensuite, il y a également le djihad contre les kuffars, c'est-à-dire la lutte contre les kuffars. Et il dit que, il considère que le djihad contre les kuffars est plus grand. Pourquoi ? Parce qu'il dit que le djihad contre les kuffars, ça fait en sorte qu'il y a des grands bienfaits qui découlent de ça. Et celui qui lutte dans le sentier d'Allah, qui fait le djihad, il sera mis dans des situations de danger où il pourra être blessé. Contrairement à celui qui fait la lutte contre les munafiqines, il n'est pas mis en face d'un grand danger de la même manière, et il n'est pas non plus susceptible d'être blessé ou des choses comme ça. Donc il considère que le djihad contre les kuffars, c'est plus grand. Mais celui qui combat et qui lutte contre les munafiqines, lui aussi il a une très grande récompense, il n'y a pas de doute. Puis il y a une note de bas de page en bas où on mentionne les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et les paroles de l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziyyah à ce sujet. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى إذا تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا أو إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، أما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد عن الجهاد: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد من العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. قلت: ويدخل في ذلك الرد على أهل البدع والأهواء كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. Donc le cheikh il mentionne à la note de bas de page, il y a les notes suivantes, que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a dit que de purifier le chemin d'Allah et sa religion et sa voie et sa législation, et de repousser les transgressions de ceux-là, c'est-à-dire les hypocrites et des gens de bid'a, et de repousser leurs transgressions et le mal qu'ils font, ça c'est une obligation pour les musulmans. Tant qu'un nombre suffisant le font, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste de le faire. Et ça, c'est reconnu par tous les musulmans. Il y a un accord là-dessus. Et il dit, et s'il n'y avait pas, donc, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait qu'il y ait cette portion parmi les musulmans qui repousse le mal de ceux-là, alors la religion serait corrompue. Et la corruption que ces gens-là amènent lorsqu'ils prennent le dessus sur le pays des musulmans, il est plus grand que le désordre qu'amènent les ennemis parmi les gens qui combattent l'islam, parmi les kuffars. Parce que ceux-là, les munafiqins et les gens de bid'a, lorsqu'ils prennent le dessus sur les pays des musulmans, ils corrompent la religion et les cœurs en partant. Tandis que les kuffars, eux, quand ils prennent le pouvoir sur les pays musulmans, ils vont commencer par autre chose. Ils vont prendre la richesse, ils vont prendre les biens, des choses de ce genre, puis le pouvoir, et les cœurs vont être corrompus uniquement par la suite. Tandis que les gens de Bida commencent directement par corrompre les cœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde uniquement vos cœurs et vos actions. Comme c'est rapporté par l'imam muslim. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit à propos du djihad contre les munafiqin dans Zad al-Ma'ad, il dit le djihad contre les munafiqin, il est plus difficile que le djihad contre les kuffars. Et c'est le djihad d'un petit groupe d'élite parmi la Ummah, des héritiers des messagers. Hein? Et ce sont certains parmi les savants qui le font seulement. Et, et tous ceux qui collaborent avec eux, qui travaillent avec eux là-dedans et qui s'entraident entre eux dans ce travail-là, même s'ils sont les plus petits en nombre, mais ils sont pour Allah les plus grands en valeur et en récompense. Donc, et le cheikh dit ensuite, et je dis que la réfutation des gens de bid'a, de la passion, fait partie de ce genre de djihad, comme l'ont mentionné un nombre parmi les savants de l'islam. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera inshallah l'explication des autres fatwas dans les cours qui vont suivre inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.